Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Après sa mort, Henri-Georges Clouzot est entré dans l'histoire du cinéma, dans laquelle il avait déjà un pied de son vivant, et on peut dire que son épouvantable réputation lui a bien survécu. Réalisateur internationalement reconnu et misanthrope, tyran des plateaux, tortionnaire de comédiens à l'occasion et perfectionniste jusqu'à la maniaquerie, Clouzot aura été un cinéaste tout autant admiré que critiqué et détesté. S'appliquant souvent à peindre ce que l'âme humaine peut avoir de plus sombre, ses films eux-mêmes, en dépit du grand succès de certains d'entre eux, n'auront pas suffi à le rendre plus aimable. S'il ne fut certes pas plus collabo que d'autres, souvent moins talentueux que lui, ne furent résistants, Clouzot avait eu également la mauvaise idée de débuter durant l'occupation en tournant « L'assassin habite au 21 » et surtout « Le corbeau » pour la firme allemande Continental, ce qui, à la Libération, avait failli mettre un terme définitif à sa carrière. Le mystère Clouzot, écho de celui du film qu'il avait consacré à Picasso, c'était le titre de l'exposition et de la rétrospective que lui avait consacré la Cinémathèque pour les 40 ans de sa disparition. Il y aurait donc eu un mystère Clouzot ? Peut-être. Dans ce cas, pour le percer, le mieux est de revoir Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Le Salaire de la Peur et Les Diaboliques, et d'écouter tout de suite Henri-Georges Clouzot en clair-obscur, un mardi du cinéma, proposé par Philippe Hainaut, diffusé le 7 mai 1985 sur France Culture, dans lequel on entendait Henri-Georges Clouzot, presque sympathique, parler de lui, du cinéma en général et du sien en particulier. Réalisation Claude Giovannetti. Henri-Georges Clouzot, vous avez donc réalisé votre premier long-métrage en 1941, alors que vous aviez commencé à travailler dans le cinéma en 1929-30, au début du Parlant. Vous avez commencé tard. Oui, vous savez, à ce moment-là, c'était pas tellement facile de faire de la mise en scène. À part l'exemple de René Clair, qui, je crois, avec Paris Guidor, était le seul metteur en scène très jeune à tourner, je crois qu'à ce moment-là, il fallait vraiment gagner ses galons, okay. Lentement. C'était l'été 70, oui. Il avait rendez-vous avec Jean Villard, je me souviens. Alors donc, pendant une douzaine d'années, vous avez fait une sorte d'apprentissage et je oui, crois... Oui, enfin, ça a été coupé. Ça a été coupé parce que j'ai fait de la tuberculose et que je suis parti. J'ai fait 3 ou 4 heures en sana, alors évidemment, ça m'a... Cette maladie, je crois, vous a marqué. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça m'a donné deux choses. D'abord, j'ai... plongé dans l'univers proustien, et puis j'ai pris l'habitude d'écrire couché. Maintenant encore, il m'est très difficile d'imaginer quand je suis assis à une table. Alors, j'ai pris l'habitude, comme j'ai une assez bonne mémoire, d'écrire dans ma tête presque une page, et quand cette page est complète, je la mets sur le papier, après ça, ça va beaucoup mieux. C'était Avignon. Est-ce que ce n'est pas à cette époque aussi que vous avez découvert la peinture et fait de la peinture ? Oh, vous savez, j'en ai toujours un petit peu fait. Non, c'est pas exactement à ce moment-là, parce que j'ai commencé quand j'étais gosse, puis j'ai abandonné et j'ai repris beaucoup plus tard, pendant l'arrêt du Salaire de la Peur. Parce que le Salaire de la Peur a été coupé en deux, le tournage, et c'est à ce moment-là que je me suis mis à peindre. J'ai rencontré Braque qui m'a un peu encouragé, et c'est comme ça que je me suis amusé. Clouzot, en clair-obscur. Pipe aux lèvres, cheveux en brosse. L'œil inquisiteur. Vous n'avez rien à me dire? Je viens de dire que tu as baissé d'un degré. Fais attention à ton boulot, sans ça tu feras ballon de soupe ce soir. Comment avez-vous trouvé le temps d'acquérir cette immense culture que vous n'étalez pas, mais dont vous faites preuve? Vous savez, j'ai été un bon élève, je m'ennuyais à crever en classe, mais je lisais beaucoup à côté, j'étais passionné par les maths, et vous savez, je crois que le fait de lire tous les soirs, d'abord, c'est même pas une discipline à laquelle je m'astreins, parce que c'est un plaisir. Mais que ce soit pour la musique ou pour la littérature, ou même les maths, j'ai pris l'habitude de continuer. Entrez. Encore vous? Vous avez l'argent? Où voulez-vous que j'en trouve ici? Pas d'argent, pas de clé. Je vous en prie, monsieur. Et sur le plan professionnel, nous ne parlerons pas évidemment de la qualité des films auxquels vous avez travaillé de 29 à 41, mais... Disons, j'ai beaucoup appris. Vous avez beaucoup appris, c'est une période d'initiation. Ah oui, vous savez, j'ai appris à monter sans me servir d'une moviola, pratiquement à éclairer un décor et même des plans de visage pas trop compliqués. Ce qui fait qu'en fin de compte, je crois que je ne suis pas du tout ingénieur du son, mais enfin, ça ne joue pas c'est très très difficile. Je crois que je pourrais presque tourner un film seul. Dans l'histoire du cinéma, il me semble qu'il y a quelques personnalités auxquelles vous faites davantage penser. Et je crois que la première, le personnage énorme, c'est Stroheim. Oui, mais justement, je vais vous dire, j'ai connu les films de Stroheim après avoir tourné Le Corbeau. Oui. Je ne pense pas qu'il m'ait influencé. J'ai eu beaucoup d'amitié pour Stroheim, et je connais assez bien son œuvre, mais je l'ai appris plus tard. Je crois que c'est plus une rencontre qu'une influence. C'est la même chose pour Buñuel. Pour Buñuel, oui, c'est pareil. Tout de même... Il me semble que Le Chien andalou, je l'ai connu avant de commencer à tourner moi-même. Et probablement, ça m'a impressionné. Il y a un nom, évidemment, auquel certains penseraient. Moi, personnellement, je ne pense guère à Hitchcock quand je vois vos films. Non, nous avons d'excellents rapports amicaux. Et je connais bien mes films, je crois qu'il connaît pas mal les miens. Mais je ne crois pas que le parallèle soit si facile à établir. Enfin, peut-être dans Les Diaboliques, est-ce que c'est là où je me suis... C'est plus proche. Oui. Oui. Ginette Leclerc, Suzy Delaire, Cécile Aubry, Vera Clouseau, Elisabeth Yenner. Marquet, Vanel, Jouvet, Dulin, Meurice, Reggiani. Freinet. Asseyez-vous, monsieur le médecin-chef. Je vous demande pardon, monsieur le médecin-chef. Ne dérangez pas. Restez assis. Mon cher Bonnevie, je suis très embêté. Allons donc, monsieur le médecin-chef. Rien de grave, j'espère. J'ai encore reçu ce matin une de ces sacrées lettres anonymes. Encore? Je pense qu'il faudrait tout de même dire un petit mot aussi du cinéma américain, car votre cinéma est un cinéma fort d'action. Et on y sent presque une nostalgie de la force, de la plénitude du cinéma américain. Oui, enfin, dans Le Salaire de la peur, c'est évident, je crois. N'est-ce pas? C'est un film qui se rapproche dans la production française le plus, et dans le meilleur sens du terme, de la grande production américaine. Le problème de l'absolu me hante. J'aimerais réaliser un film religieux sur le thème de la sainteté, par exemple. La vie de Sainte Thérèse de Lisieux me fascine particulièrement. celle du curé d'Ars aussi, Henri-Georges Clouzot. Plus généralement, je me demande si vous n'êtes pas l'un des rares cinéastes français, et pour moi c'est un éloge, qui ait subi une certaine influence du cinéma germanique. Ah oui, c'est certain, Murnau m'a beaucoup frappé. Le sens du cadrage, l'importance des éclairages, le goût du clair-obscur, enfin, ça vraiment je le dois aux Allemands. Oui. D'ailleurs, vous savez, j'ai commencé le cinéma pratiquement, j'ai tourné en France comme assistant et comme scénariste deux ou trois films, et je suis tout de suite parti à la UFA. J'ai été l'assistant de Joe May, j'ai été l'assistant de Litvak, de Dupont, de Hartl. J'y ai rencontré Fritz Lang et Sternberg. De 30 à 33. Vous avez donc quitté l'Allemagne au moment de l'arrivée d'Hitler et connu la dernière grande période du cinéma allemand au moment du Sonore. Oui, oui, j'étais foutu à la porte parce que j'étais trop ami de mes producteurs qui étaient juifs. La musique du générique du Salaire de la peur. Musique de Georges Auric. 1 minute 20 secondes. Clouzot, Henri Georges, 1907-1977, cinéaste français né à Niort, prépare l'école navale, songe à la diplomatie. Pour lui, s'interroger sur le cinéma, c'était s'interroger sur le sens de la vie, ça faisait aucun doute. Devient secrétaire du chansonnier René Dorin, travaille pour le producteur de films Osso. Quand on parlait dans un coin, quand je parlais avec mes assistants, il arrivait, qu'est-ce que vous dites? S'initie comme assistant au métier du cinéma, notamment en Allemagne, au début du parlant. C'était sûrement quelqu'un de très torturé et pas d'une manière très gaie. Parolier de plusieurs chansons, il écrit 4 pièces de théâtre. Je me suis toujours demandé, je me demande encore maintenant, qui se cachait vraiment derrière ce visage. Est-ce que vous vous intéressez à la psychanalyse ? Je m'y suis énormément intéressé. Maintenant, je suis assez loin de Freud, de Jung et de Adler. Et je suppose que j'étais imprégné de ça et qu'il en reste quelque chose. Il fera ses vrais débuts d'auteur de film en 1941, pendant l'occupation. Ce visage qui était parfois très bon et parfois très dur. De 1941 à 1968, soit en 25 ans, n'a produit qu'une dizaine de films, mais dont chacun fut un événement. Il a dicté une première pièce de Guignol où un polichinelle empoisonne sa femme en mettant des punaises dans le thym. Quand vous faites retour sur votre carrière, sur vous-même, parmi vos films, quels sont ceux que vous préférez? Je veux dire, bien entendu, ceux que vous considérez comme accomplis. La vérité, c'est que je n'en considère aucun comme accompli. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais jamais revoir mes films. Quand par hasard, je suis confronté, comme l'autre jour, à la première bobine de Diabolique, je me suis aperçu que j'avais oublié une quantité de plans. Non, je ne vais pas les revoir parce que c'est très désagréable. Je crois que quand on a tourné un film et qu'on revoit projeté, on s'aperçoit de tout ce qui est raté. On dit toujours « Ah, si j'avais su, si j'avais pu, etc. » En fin de compte, il est bien évident que si on avait la possibilité, on tournerait un film dans sa vie et on le referait continuellement. Ce ne sont pas tout de même des films d'un étranger, vous vous y retrouvez. Mal. Est-ce que vous avez l'impression, non pas d'un progrès, ce qui serait stupide, mais d'une évolution et aussi d'une fidélité à vous-même? Je crois que c'est beaucoup plus vrai pour les spectateurs que pour l'auteur. La vérité, c'est que chaque fois qu'on commence un film, on a l'impression de faire quelque chose de nouveau. Et on s'aperçoit, en lisant les critiques, en écoutant les avis de ses amis, qu'on a refait encore une fois le même. Est-ce que vous n'avez pas une tendresse particulière pour Le Corbeau et Le Salaire de la peur? Pour Le Corbeau, oui. Parce qu'en fin de compte, c'est le premier film qui est, où j'ai pu être totalement libre. Je veux dire que dans l'Assassin en 8 au 21, c'était vraiment un exercice de style assez élémentaire. Le Corbeau, j'y ai beaucoup tenu. Le Salaire de la peur, c'est un film que je pense réussi, mais ce n'est pas un film pour lequel j'ai une tendresse particulière. Par exemple, dans Manon, il y a des choses qui me touchent plus que dans Le Salaire de la peur. Et vous êtes peut-être plus attaché à une expérience même qui échoue qu'à un résultat conventionnel. Oui, par exemple, je crois que j'aime bien au moins les deux premiers tiers des Espions. Ah, j'allais vous parler des Espions. Qui n'ont pas été un succès. J'ai déploré, moi, l'échec de ce film, qui tenait d'une part sans doute à l'incompréhension du public, au fait qu'il tombait mal, peut-être aussi à certains défauts du film. Il me semble que les premiers tiers sont bons. Oui, mais vous savez, le troisième tiers, j'ai un peu cédé au désir du distributeur, qui souhaitait que le film ait une espèce de logique, d'explication logique, ce qui me semblait un peu inutile. Remarquez, je crois que je n'aurais pas fait ça, le film n'aurait pas même marché, mais en tout cas, j'en aurais été plus satisfait. Vous êtes un grand admirateur de Kafka et je pense qu'à l'époque, vous vouliez plutôt adapter Le Procès. Oui, je voulais, mais à ce moment-là, il était absolument impossible d'avoir les droits. Et je trouve que Orson Welles, ça fait ça très bien. Moi, j'ai quelques réserves sur l'interprétation, mais c'est un très beau film. Oui. Je voulais vous poser une question aussi sur l'incursion curieuse que vous avez faite dans le comique avec Miquette et sa mère. Oh, ça, vous savez, c'est pas drôle du tout. C'était une incursion que j'ai fait un peu malgré moi. Et à ce moment-là, je souhaitais tourner, j'avais un contrat d'ailleurs, pour tourner Chambre obscure, que Richardson a tourné il y a peu de temps. Et le directeur du cinéma français d'alors, Fauré Cormeret, m'a expliqué que ce serait malvenu au moment de tourner ça. Et j'ai cédé bêtement. Il y avait un arbitrage et j'ai proposé de rendre le chèque et de me rendre libre, mais le producteur s'est entêté. Il m'a donné le choix entre deux ou trois sujets qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et j'ai fini par piquer Miquette et sa mère un petit peu par goût du paradoxe et pour l'embêter aussi. Le goût du théâtre aussi peut-être, l'expérience. Oui, et puis Jouvet avait envie de jouer mon chablon. J'avais trouvé Bourvil très drôle dans une petite farce, je ne sais plus exactement laquelle, et j'avais envie de tourner avec lui. J'aimais bien Daniel Delorme. Enfin, il y a eu un concours de circonstances. Et je dois dire qu'il y a une chose et une seule que j'aime dans le film, ce sont les apartés à la caméra. Et pour ça, Saturnin Fabre était vraiment le roi. Oui, donc cette œuvre comique est une exception, mais il est bon de souligner qu'un certain nombre de grands cinéastes français poussés vers le drame ont fait des films comiques et qu'il y a tout de même une teinture, même dans vos films les plus durs, une teinture ironique et une sorte d'ironie amère. Je crois que c'est presque indispensable, ne serait-ce que pour des raisons c'est presque une recette de cuisine. On ne peut pas tenir le public dans la tension continuellement, sinon il se met à rire et il rit contre vous. Et par exemple dans Le Corbeau, j'ai fait très attention à ménager, même dans la scène de l'enterrement, un ou deux plans qui font rire. À ce moment-là, le public rit avec vous. L'assassin Bito 21. Santé, patron. Merci, messieurs. Ernest, t'importe. Ah, c'est pour moi, j'ai des deux bras pris. Cette vache-là s'est rouverte toute seule. Il faudra la faire arranger. Je m'appelle Mila Malou. Je sais bien que tu me mens. Et si tendre, et j'ai pas me blâmer. savez, vous êtes souffrant. Ils me l'ont tué, je suis sûre qu'ils me l'ont tué. Mais qui? Vous comprenez pas? Colin, la Lapour et le docteur, ils sont trois, Durand. Trois! Non, la salle d'école est réquisitionnée. Il y en a pour la matinée? Et pour l'après-midi? Je commence à finir. Pensez-vous, le corbeau est plus malin qu'eux? Le corbeau. 1943, le corbeau. Lettre numéro 53. Vieux cadavre, tu as un cancer du foie, croquignolet. Tu as un cancer du foie, croquignolet, qui te mène, grand train, aux asticots. Qui te mène, grand train, aux asticots? Germain se paye ta pauvre bobine de crevard. Germain se paye ta pauvre bobine de crevard. Mes amitiés au Père éternel. Au Père éternel. Corbeau. Eh ben. Qu'est-ce qui m'a pris, ça, papa? Je l'avais bien dit, c'est elle qui a fait le coup. S'interroger sur le cinéma, c'était s'interroger sur le sens de la vie, ça faisait aucun doute. Philippe Pilard. Pendant des années, je faisais comme beaucoup de gens à l'époque, j'étais gosse, j'étais adolescent, j'allais voir des films de Clouseau, je lisais dans la presse un certain nombre d'articles où on présentait une sorte de personnage hors du commun, un peu effrayant, qui faisait lui-même des films effrayants. Et puis, quand j'ai été présenté à Clouseau par un ami commun qui était Serge Vita, et il est évident que je m'attendais un petit peu à... Enfin, j'étais un peu inquiet parce que je me disais je vais tomber sur ce personnage un peu effrayant. Et puis, évidemment, la légende et la réalité ne concordaient pas. Et j'ai trouvé quelqu'un qui... Bien sûr, avait des qualités d'autorité, mais je sais maintenant, pour avoir fait des films moi-même, qu'elles sont absolument indispensables dans ce métier du cinéma et même de l'audiovisuel, mais qui était aussi parfaitement capable de se montrer compréhensif, intelligent, humain, sensible, enfin toutes sortes de qualités humaines que la presse passait un petit peu sous silence au profit de qualités plus, disons, plus noires. Qu'est-ce qu'il y avait plus de marquant à la rencontre de Clouseau? À moi, ce qui m'a le plus frappé chez lui, c'est une qualité d'écoute. Donc vous voyez, là, on est tout à fait à l'encontre de ce qui se disait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui écoutait ses collaborateurs, et même d'ailleurs des gens qui n'étaient pas forcément ses collaborateurs, il écoutait absolument tout le monde. Autrement dit, on était absolument à l'opposé du metteur en scène omniscient, une sorte de Jupiter tonnant, c'était pas ça du tout. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il avait pris sa décision, était effectivement tout à fait capable de taper sur la table, mais qui, avant de la prendre, faisait preuve d'une grande qualité je dirais un mot qui surprendra peut-être, mais d'humilité. Non, moi, l'image que je défendrais plutôt, c'est paradoxalement l'image d'un expérimentateur. C'est ce que j'ai retenu, parce que quand on fait le bilan, quand on essaye plutôt de faire le bilan de sa carrière, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a, à l'intérieur d'un système donné, qui est le cinéma français et le cinéma européen, avec ses contradictions, il a essayé des choses assez différentes. Je veux dire que entre Le Corbeau, Les Espions, Le Mystère Picasso, ou même La Prisonnière, ou même les films qu'il a fait avec Karajan, il y a pas grand-chose de commun, sinon la volonté d'un cinéaste de s'affronter à une réalité et à une narration avec des moyens complètement différents. Philippe Pilard, réalisateur télé. Il a été catalogué film noir, et c'est vrai que quand on parcourt l'œuvre en général, on ne peut pas dire que ces films respirent un optimisme béat. Avignon 1970, Henri-Georges Clouzot. Vous êtes l'un des rares auteurs du cinéma français qui essaie, à travers tous ces films, d'exprimer une certaine vision du monde qui correspond à ses problèmes et à son expérience. Il y aurait des formules très très faciles à donner, on s'en est pas privé, l'œil du policier, l'oreille du confesseur, on a fait de vous l'homme de la cruauté qui veut faire affleurer des vérités sordides, qui exprime une certaine méchanceté. Je crois que tout cela correspond à des mythes, tout de même. Oui, bien entendu. Une vision simplificatrice. Mais il faut, enfin je crois que n'importe quelle forme d'art du spectacle est basée sur les mythes. Ce qui nous fait crever en ce moment, c'est que, justement, c'est la disparition des mythes. On refuse les mythes, oui. Mais ils disparaissent. C'est la grande chance du cinéma américain. Est-ce que vous pensez connaître Henri-Georges Clouzot comme personnage? Pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas, d'ailleurs. Oui. Mais est-ce que vous le comprenez? Est-ce qu'il vous paraît tout de même... Non, je ne sais pas. Vraiment, je crois que ça aussi, c'est un personnage mythique. Ma mère, que j'aimais beaucoup, qui nous aimait tous beaucoup tout de même, disait, voilà, n'est-ce pas, mon aîné Henri, brillant élève, premier prix de ceci, premier prix de cela, etc. Et puis, souvenez-vous, moi, et puis, alors, voilà mon second, Jean, c'est un bon petit. Ben, il y avait une nuance. Et ben, toute notre vie, il y a eu le sujet brillant et puis le bon petit, quoi. C'est son frère. Il avait un frère, et le frère a été scénariste et a travaillé sur presque tous ses films, et personne ne le savait, sous un autre nom. Jean Clouzot dit Géronimi. Mon frère est tragique, il a toujours été tragique, il n'a jamais été, dès son enfance, il n'aimait que le drame, l'angoisse, de très bonne heure quand nous jouions, il m'habituait à avoir peur. Il n'était heureux que quand je pleurais, alors là... Se disait l'histoire marche bien puisque le public pleure. À 5 ans, il a dicté une première pièce de Guignol où Polichinelle empoisonne sa femme en mettant des punaises dans le thym. C'était son premier réflexe depuis qu'il est enfant de 5 ans et demi. Ensuite, ça a continué. Il a toujours fait des drames. Non, je vais être indiscret, il a une réputation de sadique. Non. Il aimait bien, comme tous les gens, il aimait jouer un rôle. Mon frère a toujours aimé se déguiser. J'ai pas de mes photos ici, je vous montrerai mon frère se déguisait tout le temps, dans les films aussi. Il a été déguisé en fort de puits de pétrole, il a été déguisé en n'importe quoi, il adorait se déguiser. Et il se déguisait aussi dans la vie. C'était un faux coléreux. Les colères de Clouzot, c'était une blague. Il commençait par crier, et à force de crier, quelquefois, il était en colère à la fin. Mais en réalité, il jouait le rôle du coléreux. Il voulait se faire une image de marque. Vous savez bien qu'on ne réussit que si on est différent des autres. Alors, il m'avait trouvé un truc. Est-ce qu'il n'était pas aussi profondément inquiet? Est-ce qu'il ne doutait pas de lui-même? Mais si, affreusement. Il était très angoissé. C'est lui qui souffrait. Je suis très inquiet. Là. J'ai l'impression que vous êtes vulnérable et inquiet. Je suis très vulnérable et très inquiet, c'est certain. Je suis traqueur, un point épouvantable. Et il m'arrive de craquer aussi parce que pour communiquer... une certaine angoisse aux interprètes, il faut soi-même se mettre en état d'angoisse, et quelquefois l'angoisse se met à galoper toute seule, il est presque impossible de la retenir. J'ai rencontré Clouzot en 1960, lors de la préparation du film La Vérité. J'avais été présenté par Valin. Clouzot a tenu avant toute chose à avoir une conversation avec moi. Nous avons bavardé longuement, et tout de suite... Et il y a une sorte de fascination pour la personne. Personne très cultivée, très secrète en même temps, très mystérieuse, très riche. Et faire le portrait de Clouzot, c'est assez difficile dans ces conditions, car ce sera un portrait plein de points d'interrogation. Michel Pesin, assistant réalisateur. Je me suis toujours demandé, je me demande encore maintenant, qui se cachait vraiment derrière ce visage. Ce visage qui était parfois très bon et parfois très dur. Il est plus facile donc de parler du metteur en scène. Un metteur en scène très fin, très précis, très laborieux, très exigeant, ne laissant rien au hasard, reprenant 50 fois un petit détail. Et surtout sa façon extraordinaire et très très personnelle de diriger les acteurs. Alors c'est là certainement que se situe mon souvenir le plus précis. Il traitait les acteurs en deux étapes en quelque sorte, même pour les tout petits rôles. Dans un premier temps, il démontait, il massacrait l'interprète. Il vidait l'acteur de tout ce qu'il pouvait avoir de sa substance, en l'amenant vers le personnage. Et il n'avait de satisfaction que lorsque l'acteur avait pratiquement perdu son identité, qu'il était pratiquement entièrement devenu son personnage. Mais c'est là que s'inaugurait le deuxième temps du traitement Clouzot, si je peux dire, c'est que pour que ce personnage ait une âme, d'un seul coup, d'un seul, avant de demander moteur, c'est-à-dire après 30 répétitions, et avant de demander moteur, Clouzot trouvait la possibilité de vexer son interprète d'une façon ou d'une autre, de le vexer ou de le blesser, de le faire sursauter afin de lui rendre vie, de lui rendre énergie. Alors, il avait plusieurs méthodes pour cela. C'est la paire de baffes à Suzy Deleur. C'était le coup de talon pour écraser le pied de Brigitte. Il lui a d'ailleurs cassé un orteil, j'en suis témoin. Et dans la vérité. Ou alors, c'était la façon de dire à Laurent Terzieff, nous ne sommes pas au théâtre ici. Et Laurent de se sentir outragé, en quelque sorte. Et au moment où sa révolte commençait, la révolte de l'un ou de l'autre, Clouzot demandait moteur, on mettait ça vite en boîte, et très très souvent, c'était cette première prise qui était la bonne. Et cette façon assez singulière, assez diabolique, merveilleusement intelligente de diriger les acteurs, je ne l'ai vraiment vu que chez Clouzot. Je me demande même si dans vos derniers films, enfin disons depuis une dizaine d'années, vous ne pratiquez pas le cinéma comme une sorte de thérapeutique. Non, ça je crois pas. Mais non. Enfin, on peut le supposer, mais non, j'ai pas cette impression du tout. Bon, soyons plus précis sur certains points qui intriguent toujours le public et les cinéphiles. D'abord, le pessimisme profond de votre œuvre qui correspond au pessimisme profond du cinéma français. Mais, alors, oui, là-dessus je suis pas du tout d'accord. Je ne trouve pas du tout que mes films soient pessimistes. En fin de compte, les personnages ne sont ni noirs ni blancs. Par exemple, la fin de Manon, qui a passé au moment de la sortie pour une fin excessivement pessimiste, pour moi, est une fin très réconfortante et beaucoup plus réconfortante que celle de Manon Lescaut. Je crois qu'il y a de la boue et quand on marche dedans, on éclabousse un petit peu, c'est évident. Oui, mais je relisais tout à l'heure un morceau de dialogue de la prisonnière où l'on dit, c'est un personnage bien entendu, qui dit « Tu voulais savoir la vérité, c'est à peu près ça, tu voulais savoir la vérité est sale. » Vous l'avez mis un peu à votre compte, ça. Oui, ça, je crois pas. Il ne faut pas la mettre à mon compte. Je crois que c'est la phrase d'un personnage. Mais en fin de compte, les deux personnages, que ce soit Terzièf ou que ce soit Vivienère, essaient de s'en sortir. Ils s'en sortent mal, mais ils essaient. Qu'il s'agisse de votre personnage dans la vie tel que le mythe s'en est emparé ou qu'il s'agisse du contenu même de vos films, pour certains, vous aboutissez à une sorte de perdition sadomasochiste. Est-ce que c'est une des clés pour vous? Ça peut être la clé pour le public. Moi, personnellement, je ne le vis pas comme ça, mais en effet, je suppose qu'il y a quelque chose de vrai, parce qu'il y a un tel accord entre les réactions, je suppose qu'elles sont exactes. Est-ce que le fait de fixer sur de la pellicule et avec des sons, de fixer des fantasmes, des obsessions, est-ce que cela correspond à un besoin profond? Je pense, oui. À une libération? Non, parce que je ne me suis pas du tout libéré quand j'ai terminé un film. J'ai encore beaucoup d'autres choses à montrer. Quai des Orfèvres. Ça va coûter des sous, un projecteur comme ça? Encore assez, oui. Au matin, un de 8. Vous êtes connaisseur? Oh, je bricole un peu le dimanche avec une vieille boîte. Oh, c'est pas bien passionnant. Je tire des maisons, des vieilles boutiques, des petites rues. C'est Barnivelle qui m'a donné ce boulin. Barnivelle? Vous me rappelez pas? Oh, un vieux bonhomme épatant. Heureusement, il avait la manie d'empoisonner les gens. Ah. Toute sa famille y a passé. La femme, les deux filles, le beau-frère. Et il les photographiait sur leur lit de mort. Ah, c'était un artiste. Quand je l'ai repassé au juge, je l'ai regretté. On était devenus des amis. Ah, ça vous arrive souvent? Ouais, de faire copain avec les clients, naturellement, à force de se fréquenter. C'est comme ça qu'on se dégrossit, nous. On n'a pas beaucoup d'instructions au départ. Hein. Mais on navigue dans toutes les eaux. On se frotte à l'étalgeant. J'ai appris la gravure avec un faussaire, la comptabilité avec un escroc. Il y a même un danseur mondain qui a voulu me donner des leçons de tango, mais là, rien à faire, j'avais pas de disposition. Je vous donne la main gauche, c'est celle du cœur. Au plaisir. C'est ça, au plaisir. Henri-Georges Clouzot. Est-ce que vous considérez le cinéma comme un art de voyeur? Oh, certainement. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de plus voyeur qu'une caméra? Je veux dire, c'est essentiellement un art de voyeur. Et d'ailleurs, il n'y a que... En fin de compte, quand je regarde non pas mes propres films, mais ceux des autres, j'ai dû voir dans ma vie 5 ou 6 000 films, je me souviens peut-être de 3 répliques, dont l'une spécialement, je veux dire, c'est la dernière réplique de certain Lame Show, Sam Lakitrat, « No one is perfect »,« Personne n'est parfait ». C'est une des seules répliques dont je me souviens dans tout le cinéma. Alors que j'ai dans la tête, je sais pas, 20 000 images. Manon. Des portes de temps. Si ça ne mollit pas, on n'arrivera pas avant le jour. On prenait quand même les immigrants? Non, jamais de la vie! On les aurait dans les pattes pendant 4 heures! 3 heures! On dit le 8-9! 7! 8, commandant! Je relevais moi-même le loch au second quart! Ouais, enfin, je vais voir ça moi-même! Je reste pas là, tu vas prendre mal! Je peux rester avec toi? Je sens la pluie qui coule sur ton doigt. Rentre à la prison, s'il te plaît. Puisque je t'ai dit que je ne veux pas. Je t'aime, Robert. Tu le sais bien. Bon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Sans argent. Pourquoi il a-tu tout donné? Pour te voir. Pour te toucher. Tu aurais donné n'importe quoi pour l'avoir encore, s'il te plaît. Et il voulait que de l'argent. Il m'a tout pris. Mais qui vous a tout pris? C'est là. Mais qui vous a tout pris? Le maître de tête. Allez, venez. Non, venez, suivez-moi. C'est nul. Non. Non, non. Robert, pitié. Commandant. Commandant. Votre position dans le cinéma français, évidemment, elle est difficile. Ce qui, je crois, rassemble tous les cinéastes français, c'est qu'ils sont des cas. Et vous êtes oui, un cas. Je crois que le cinéma français est fait d'individus. Il n'y a pas d'école du cinéma français. Je ne sais pas si vraiment Carnet peut se réclamer de Feder, je ne le pense pas. Je crois que Carnet a une personnalité très unique. Peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que Becker a pris les leçons chez Renoir, mais en fin de compte, quand vous comparez l'ensemble de l'œuvre de Becker avec celle de Renoir, elle est totalement et profondément différente. Je ne vois pas à quel aîné peuvent se rattacher Truffaut ou Godard. Je crois que dans l'ensemble, chacun fait son boulot et... Même quand on a des amitiés très, très solides entre confrères, je ne pense pas qu'on s'influence beaucoup. D'ailleurs, il me semble très difficile de lire, enfin d'imaginer plus exactement le film d'un copain à la lecture de son scénario. Il m'est arrivé assez souvent qu'un ami me demande un avis sur son scénario, et je suis toujours extrêmement embarrassé parce que j'ai toujours peur de lui dire de couper ce qui, en fin de compte, sera le plus précieux et le plus personnel. Ce qui vous rassemble, je pense, c'est d'abord ce souci de l'individualisme, des conditions de travail quand même assez semblables puisque le cinéma est concentré à Paris, mais aussi, je pense, cet esprit de l'artisanat. Vous avez prononcé le mot tout de suite, vous avez dit « faire notre boulot ». Je crois qu'il y a un esprit... Oui, c'est très vrai pour la France. Mais il ne faut pas croire que ce n'était pas vrai pour les Allemands, par exemple. Les Allemands aussi avaient un sens. Il suffit de lire un découpage de Fritz Lang pour se rendre compte comment c'est préparé. 1949, Miquette et sa mère. 1949, retour à la vie. Ça y est, c'est eux. Eh ben, me voilà dans le beau drap. Qu'est-ce qu'on fait? Soigne-moi. Hein? Je suis malade. Soigne-moi. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Réveillez-le. Lève-toi. Il faut entendre des dérangements, juste un petit coup d'œil. Tu vas te taire, ou le monsieur t'emmène. N'est-ce pas, monsieur? Oh, merde, alors. C'est un débarras. Vous avez la clé? Hélas, il doit déjà dormir. Police! Entrez. Il y a longtemps que vous êtes dans cette chambre? Trois quarts d'heure, mon ami Girard est malade. Vous n'avez rien vu de normal? Non. Rien entendu? Non. Papillon, ça va. Pardon, messieurs. Allez-y, allons pas de temps. Tu as gagné. Nous sommes frais. Et tout ça pour un type qu'on aurait descendu sans y penser. Il n'y a pas un an. Ou qui nous aurait descendu. On va tout de même lui faire un peu de morphine. Je vais chercher ce qu'il faut. Je ne dois pas être à la noce. Pas eu trop peur? Si. Mais j'ai cru que vous alliez parler. Pas question. Moi aussi, j'ai été prisonnier. Traqué. Moi aussi, j'ai vu les flics derrière moi. J'ai été aplati dans la neige. Du côté de Kalisbell. Tu connais ça, toi, Kalisbell? Non. München. Et tu es si pressé que ça d'y retourner? Là-bas, ma femme, mes enfants ont besoin de moi. Vous êtes marié? Oh, non, alors. Pour ce que c'est gai, la vie. Joli cadeau à faire à quelqu'un. Très bien, mon vieux, on est propre. Qu'est-ce qu'il y a? Ils reviennent? Non. Ils sont passés chez moi. Ils m'ont parlé. Tu sais qui c'est, ce type-là? C'est un beau salaud. Il est condamné à mort. Il a torturé de sa main je ne sais pas combien de types. Des hommes, des femmes, tout le fourbi, quoi. Alors, je me tire. Prisonnier évadé, ça va. Bourreau, je n'en suis plus. Fais-lui d'abord sa morphine. Tu t'en iras après. Tu es dingue, non? Tu trouves qu'il n'a pas mérité de souffrir, celui-là? Il ne s'agit pas de ça. Je veux qu'il ait la force de parler. On ne parle pas bien quand on souffre. Voilà un homme comme nous. Il a une tête, des yeux, un cœur pareil au nôtre. Une femme, des enfants à qui il caressait les joues pendant ses permissions. Et c'est cet homme-là qui, pendant 4 années, a torturé un tas de gens. Tous les jours, comme on vient au bureau, il a enfoncé dans de la chair vivante des choses qui coupent, qui brûlent. Et tu n'as pas envie d'essayer de comprendre? Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas y penser. Tu as peur de savoir, hein? Pas moi. Fais-lui sa piqûre. Jean Clouzot dit Géronimi. Donc il y avait 2 Clouzot. Oui, un petit peu, oui. Il est certain que j'ai toujours dialogué pour lui, toujours. Mais je ne veux pas dire que le dialogue soit de moi. Parce que, vous savez, un vrai metteur en scène, vous lui donnez un dialogue, et il le refait, il le retriture. Ça ne veut pas dire qu'il va le ficher en l'air complètement. Il fera peut-être des petits morceaux. Mais il faut qu'il arrive à un moment où il a l'impression que le dialogue est de lui. Il se l'assimile, alors, oui. Voilà, quand un couple de scénaristes marche bien, à la fin du scénario, les deux pense avoir tout écrit et que l'on n'a rien fait. Oui. Ça, c'est l'indice que vraiment c'est une bonne collaboration. Et ben, mon frère, c'était ça. Comme nous avons travaillé depuis l'âge de 4 ans à peu près ensemble, nous avions les mêmes souvenirs et les mêmes mots, n'est-ce pas, qui représentaient les mêmes souvenirs. Alors, on se comprenait plus qu'à demi-mot, on se comprenait souvent sans parler. On commençait une phrase, on disait j'ai compris. Voilà ce que tu veux faire. Et c'était ça, en effet. Et sur l'écran, je n'ai jamais été surpris. Parce que je voyais. Parce que ce que je voyais sur l'écran, c'est ce que nous avions dans la tête en écrivant le scénario. Comment travaillait-il? Comment vous débrouillez-vous? Oh ben, il travaillait. Quand je travaillais avec lui, moi j'avais mon métier, j'étais reporter, eh bien, il était dans son lit, rongé ses draps, comme d'habitude. Depuis qu'il avait été malade, il avait des tuberculeux, vous savez. À Lézin, il a été à Lézin, en Suisse, et puis ensuite il a été à Assy, au plateau d'Assy. Oui. Et. Là, comme la cure est obligatoire, il avait pris l'habitude de travailler étendu, et c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup mieux quand on n'a pas soucié ni de son équilibre, ni de ceci, ni de cela. Et qu'au besoin, si on ne trouve pas, c'est dans le demi-sommeil où les idées se brouillent, là, les idées viennent. Quand on sèche, c'est en général comme ça. Ou alors, c'est une chose artistique qui va vous donner une solution intellectuelle, je veux dire. Oui. Vous connaissez le principe du scénario, A doit être avant B, B avant C, C avant A. Bon, c'est insoluble. Il faut donc trouver un système pour en sortir, on ne le trouve pas. Et vous cherchez comme ça, ça peut être 1 heure, 2 heures, 8 jours. Et puis, c'est en regardant un paysage, en écoutant de la musique, mais quelque chose de purement sensuel, que tout d'un coup, toc, l'idée vous vient, et en général, elle vous vient entière. Vous avez la solution. Après, il faut la reprendre dans le détail pour voir si chaque croix, je veux bien accrocher. Mais vous avez la solution entière d'un seul coup. Ça, j'ai vu le cas plusieurs fois. Alors, jamais on n'a écrit un scénario sans commencer par dire, voyons, qu'est-ce que faisait son père, même si on n'y voit jamais. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'il a été élevé, où est-ce qu'il a vécu, quelles sont ses expériences, pour avoir la peau du personnage avant de commencer à l'écrire. On ne parlait jamais dans les répliques de ce passé. Mais il était sous-jacent, les gens le sentaient très bien. parce que nous, nous le sentions, le public le sentait. Mais il y a aussi un esprit commun, peut-être, dans le cinéma français qui tend vers une vision moraliste et psychologique. On est tous les descendants des moralistes du XVIIe et du XVIIIe. Henri-Georges Clouzot. Oui, mais j'ai l'impression, dans votre œuvre, qu'il n'y a pas un transfert évident de la culture, de l'héritage français. On ne sent pas la référence directe. Je crois que, d'abord, je me suis toujours éloigné des chefs-d'œuvre. Je veux dire que pour moi, l'idée de tourner un film issu d'un grand texte est une absurdité. Oui. On m'a proposé de tourner Stendhal, j'ai toujours refusé Stendhal ou Balzac. Il y a une chose qui me frappe dans votre œuvre, c'est le problème du dialogue, qui est prioritaire dans le cinéma français. Nous sommes des littéraires avant tout. Et dans votre œuvre, précisément, le dialogue est important, mais il est concis. Il y a une économie. Oui, je vais vous dire, d'abord, je fais du dialogue parce qu'il faut bien en faire, et que le film est parlant, mais j'essaie toujours d'éviter qu'il soit absolument fonctionnel. Il m'est arrivé une aventure désagréable à Venise. C'était au moment où on présentait les Cris des Orfèvres. On était partis avec des très bonnes chances. À ce moment-là, les films n'étaient pas sous-titrés. La projection avait lieu au Palais des Doges. Et j'ai senti le public décrocher à peu près à la moitié du film parce qu'il y avait un certain nombre de faits qui étaient explicités uniquement par le dialogue. Je me suis juré de ne jamais recommencer. Et je crois que la seule fois où j'ai fait une exception, c'était pour des motifs pratique auquel je ne pouvais rien, c'était la vérité. En fin de compte, je crois qu'on peut voir La Prisonnière sans comprendre le texte. À partir justement du Quai des Orfèvres, j'ai l'impression aussi que vous êtes éloigné du procédé français du mot d'auteur dans le dialogue. Ah oui, ça vraiment, alors ça, maintenant c'est une exécration, enfin. Mais vous cherchez plutôt le dialogue exact, banal, le dialogue révélateur. D'abord, il y a une chose, c'est qu'il faut, autant que possible, je crois en tout cas, séparer. Ne pas avoir de pléonasme. Je veux dire, quand la caméra a son mot à dire et sa phrase à dire, je crois qu'il ne faut pas l'alourdir par du dialogue qui ne peut que distraire l'esprit des images. Et au contraire, quand il faut parler, je pense que la caméra doit être très sobre et se dissimuler. J'ai tourné des plans, je crois que c'est dans Le Salaire, où on parle pendant 3 minutes, la caméra ne bouge pas, les acteurs non plus. ...1952-1953, Le Salaire de la Peur. Luigi. Il n'y a plus de Luigi. Et puis merde, ça devait arriver, à force de jouer au couillon, on finit toujours par gagner. Ça aurait pu être nous. Pauvre gars. Bon, n'en parlons plus. J'avais pris le risque, ils ont perdu, c'est régulier. Eh ben, t'es pas dur, toi. T'as ton pote qui se volatilise, c'est tout ce que tu trouves à dire. Et qu'est-ce que ça changerait? Toi, au message, je te casse la gueule. T'es pas fou. Allez, fais pas ça. Arrête-toi. Mais arrête-toi. Ferme la lourde, j'aime pas les courants d'air. Moi, j'en ai marre. Lorsque vous tournez, on dit que vous vous préparez longuement pour une sorte de maturation et que lorsque vous êtes lancé dans le tournage, règne une atmosphère d'angoisse. Vous essayez de communiquer aux autres la tension que finalement vous voudriez mettre sur l'écran. Bien entendu. Vous savez, la caméra a un œil d'une acuité terrible et si l'angoisse est une fausse angoisse, les spectateurs ne sont pas pris. Ça pose d'ailleurs des problèmes pratiques très compliqués. C'est votre idée toujours presque obsédante que le réalisateur est d'abord le premier spectateur du film. Bien entendu. Je me souviens de la colère de Jouvet qui tournait avec un de mes confrères et qui me disait, il ne me regarde pas, je suis obligé de vérifier avec la script girl, d'avoir la script girl comme première spectatrice. L'angoisse du personnage. Son angoisse, il... Michel Pesin. Il l'a glissé partout. Et il l'a glissé dans sa façon de faire jouer les acteurs, mais également dans sa façon de surprendre nos petites conversations privées entre techniciens sur un coin de plateau, en coulisses. Il voulait tout savoir. Il furetait dans chaque coin. Je ne pense pas que c'était par mauvaise curiosité. Enfin, il n'essayait pas, comme un petit pion, de surveiller si l'on était bien sur le coup, si nous prenions notre récréation ou si nous pensions au film. Non. Il nous épiait pour savoir ce que nous pensions, ce que nous ressentions, parce que il lui semblait qu'il y avait toujours une idée ou une impression, une émotion intéressante à saisir au passage. Et il ne voulait en aucun cas la laisser fuir. Mais ce qui est pour moi très très passionnant, c'est que l'élément primordial me semble être le décor. C'est possible, je n'y ai pas pensé, mais vous avez sans doute raison. En tout cas, quand je vous parle de maintenant, je vous parle d'un train. D'ailleurs, il y a pas mal de trains dans mes films. L'église, il y a les salles de classe. Par exemple, les hôpitaux. Oui. On a l'impression que... C'est une espèce de thématique. Oui, et presque qu'il y a les lieux clos dans lesquels vous respirez mal, une sorte de claustrophobie, et que... On ne peut pas dire ça du chaleur de la peur. Mais non, justement, les extérieurs représentant des fuites. Des fuites. La fin de Manon, le salaire de la peur. Oui, la mer aussi dans la prisonnière. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre enfermé? Non, pas du tout. Je passe ma vie, en plein air. Dans les films, en effet, je dois avoir une espèce de nostalgie de la cellule. Parce que je me demande si ça ne traduit pas plus profondément, par-delà un sentiment d'absurde, une angoisse de considérer un peu le couvercle du monde. Enfin. Je sais pas. Non, je crois que ça... Il me semble que il faudrait plutôt regarder du côté de la construction dramatique. Il est certain que les conflits sont plus forts quand le milieu est fermé. Et alors là, il ne s'agit pas de décor, il s'agit d'une espèce de cellule humaine. Quand on parlait dans un coin, quand je parlais avec mes assistants, il arrivait, qu'est-ce que vous dites? Max Douy, décorateur. Louis Wipf, qui était directeur de production sur Le Diable au corps, avait reçu de Clouzot un scénario, c'était le Quai des Orfèvres. Et il avait dit à Clouzot, je pense que pour ce film, on pourrait prendre Douy, qui vient de faire Le Diable au corps. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai rencontré Clouzot, je suis allé chez lui, rue Lagrange, il vivait avec... notre ami Suzy Dolaire, et j'ai trouvé un monsieur extrêmement inquiet, parce qu'il ne me connaissait pas. Et nous avons d'abord lu le scénario ensemble, et puis on s'est mis au travail. C'est-à-dire que chez moi, rue des Bourdonnais, on a fait pendant 2 mois la préparation de ce film plan par plan. De cette façon, Clouzot était absolument... ravi de pouvoir être débarrassé sur le plateau des soucis techniques. C'est-à-dire qu'il se contentait de diriger ses comédiens, à commencer par Jouvet, qui se laissait parfaitement diriger, Suzy Dolaire bien sûr, et tous les autres, et Bernard Blier. Donc j'ai connu Clouzot à la faveur d'une expérience pour moi très enrichissante, parce que c'était un homme qui... pensait très vite et qui réalisait sur le papier, sur des plans, avec des images exactes, tout son film. Tout a été fait vraiment à la minute près. On a même minuté tout le générique qui se déroule sur cette fameuse chanson du Tralala. Et c'est un exemple d'un générique technique exceptionnelle qui, en quelques minutes, expose toute la situation de tous les personnages et leurs relations, excepté bien sûr Jouvet qui arrive comme enquêteur à la deuxième bobine. Troisième bobine même. Qu'est-ce qui le guidait dans le choix d'un décor quand vous discutiez sur la conception même du décor ? Ça allait très vite parce qu'on faisait, enfin je faisais des croquis très rapides et par exemple en ce qui concerne le début de ce film qui se passe en fait dans l'escalier de l'éditeur de musique et nous avions été voir Scotto qui habitait du côté du boulevard de Strasbourg et l'escalier qui menait au bureau de Scotto, de Vincent Scotto, était telle que Clouzot a dit « mais c'est ça qu'il faut faire ». Et c'est ça que nous avons fait à peu près, adapté évidemment aux objectifs avec les parties mobiles nécessaires pour pouvoir tourner vite et bien. En ce qui concerne l'appartement du Lin, on avait vu Cité des Boulainvilliers où nous avons tourné l'extérieur de nuit. J'avais vu un appartement exceptionnellement fin de siècle d'une très grande qualité. Et on a reconstitué à peu près le grand salon de ce personnage. Et du Lin, je dois dire, là-dedans, était parfaitement placé, situé et correspondait à son personnage. En ce qui concerne le cas des orfèvres, il n'y avait pas de problème. On est resté 3 semaines à bagoter, à voir comment les interrogatoires se faisaient. On a assisté à des interrogatoires très divers sur un tas de choses. On a été à la mondaine, on a été à la criminelle, enfin... On a bien regardé, bien écouté, et ce qui a permis à Clouzot de rectifier quelques dialogues et d'ajouter ou de retrancher des choses et de faire un bon film. Il y a une difficulté chez nous, traditionnelle, à former des équipes, et je crois que c'était un de vos soucis. Ah, moi, j'ai eu pratiquement toujours la même équipe. C'est ça, avec l'admirable Civelle qu'on voit dans le livre de Courneau, premier spectateur, Tirard, Valin comme assistant. Enfin, vous avez essayé d'avoir... Oui, j'ai presque toujours gardé les mêmes. Et même les ouvriers, d'ailleurs. Au travelling, je crois qu'en fin de compte, j'ai eu, dans toute ma carrière, trois chefs machinistes. Clouzot avait Michel Pesin comme opérateur principal, aussi bien dans La Vérité que dans L'Enfer. Il avait Armand Tirard, lequel Armand Tirard avait comme cadreur Louis Ney, dit bonhomme pour les anciens techniciens, pour le son, évidemment. Clouzot a toujours eu comme collaborateur son fidèle Civelle, Robert William Civelle. Et il y avait un numéro extraordinaire qui était monté entre Civelle et Clouzot. Numéro qui nous détendait parce que il jouait un sketch bien réglé et à l'avance. Disons que sur le plateau, il n'arrêtait pas de s'engueuler. Alors, lorsque Clouzot demandait aux acteurs de jouer dans tel sens, ou un peu plus fort, ou un peu plus clair, ou un peu plus claironnant, Civelle intervenait pour demander exactement le contraire. Et puis, on remettait les choses à zéro et on se remettait à travailler sérieusement. Mais disons que Civelle a toujours été... Le complice et le vieux copain de Clouzot. Je dis de ne pas regarder. Fais quelque chose. J'ai le cœur qui éclate. Tu m'as promis hier. Les diaboliques. Où mettez clés. On va précipiter les événements. Avec les cailloux. Oui. Oh, il va te l'endier, on ne pourra pas jouer à ce déjeuner. Vous êtes malin. Vous auriez mieux d'aller chercher la perche de saut. Moi, on trouve dans vos films des gens d'espèces, je dirais, au sens végétal, des espèces différentes. Ça va du monstre théâtral comme Jouvet ou Freinet. Du Lin. Oui. ça passe par des très solides comédiens que très souvent on a minimisés comme le grand Vanel, et ça va jusqu'à des silhouettes remarquablement choisies. Pour moi, l'acteur de Clouzot, le personnage de Clouzot, c'est d'abord Larquet, qui était un comédien très conventionnel qui jouait les papas gâteaux et les bonasses, et dont vous avez fait finalement un personnage inquiétant et complexe. Oui, moi je veux dire que Larquet est un des acteurs avec lesquels je me suis le mieux entendu. Et je trouvais qu'il fallait le sortir un petit peu de ses comédies pleurnichardes. Et il s'est laissé faire, je veux dire, avec beaucoup de bonne volonté. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix des acteurs et dans la direction ? Bon, d'abord, c'est pas pareil. Enfin, le choix des acteurs... d'abord... On a dit et répété trop souvent que je pouvais faire jouer une table, c'est absolument faux. Personne ne peut faire jouer une table. Si vous prenez une voiture qui n'a pas de moteur, vous n'y pouvez rien. Donc ce qui est essentiel pour moi dans le choix des acteurs, d'abord, c'est qu'ils aient un moteur. C'est aussi que l'intonation ou la respiration de leur phrase est de l'imprévu. Pour moi, il est très rare que je fasse un essai. Un essai tourné, je veux dire. Mais je crois n'avoir jamais engagé un acteur sans lui demander de jouer ou de parler avec moi pendant plusieurs heures. Et je suis toujours aux aguets pour entendre l'intonation que je n'aurais pas eue, ou en tout cas qui ne s'inscrit pas automatiquement dans le texte. Pour moi, un grand acteur, comme un grand chanteur d'ailleurs, c'est pareil, à une respiration et à une intonation particulière. Ça, c'est pour le choix. Et pour ce qui est de la direction des acteurs, je m'attache essentiellement à mettre les gens dans un certain état nerveux dont nous parlions tout à l'heure, qui n'est pas tout de même constamment de l'angoisse, mais avant ça, et au moment où l'acteur n'est pas en transe, où souvent il est totalement détendu, et quelquefois bien longtemps avant le tournage, c'est ce qui s'est passé avec Brigitte Bardot, je travaille avec eux des textes qui n'auront rien à faire avec le film, pour leur demander de respirer d'une certaine façon, c'est-à-dire d'éviter de respirer aux virgules et aux points. Parce que dans la vie, en fin de compte, si on repassait cette bande, vous apercevriez que il est bien rare que la respiration du texte soit une respiration logique. Ce qui est aussi frappant, ça nous ramène au cinéma allemand, c'est votre choix des cadrages. Je retrouve justement cette espèce de style de Murnau, par exemple. Un cadrage qui emprisonne, oui, qui emprisonne, cerne. Et qui décadre aussi. Oui, et qui donne une impression d'inquisition. Oui, oui, mais c'est vrai, je vous ai dit, pour moi la caméra est une espèce d'énorme microscope qui va très profond, et beaucoup plus profond que l'œil humain. Il est certain que quelquefois, à la projection, les acteurs sont épouvantés de soir, parce qu'ils ne se sont jamais vus comme ça. Et ça leur révèle des côtés de leur personnage qu'ils préféraient oublier. Et votre grande obsession, j'imagine, est justement de faire éclater cette surface lisse et surgir... Et quelquefois, c'est malgré moi d'ailleurs, et j'ai moi-même la surprise. Par exemple, dans La Vérité, j'empêchais Brigitte Bardot de répéter. Et je l'achetais un petit peu devant, après l'avoir baratinée, pour qu'elle soit dans l'état nerveux en question, je la précipitais devant la caméra et la première prise était la bonne. Le mystère Picasso. musique de Georges Auric. Le mystère Picasso. Alors ça me paraît une expérience très intéressante, dans la mesure où j'y retrouve cette fascination des êtres exceptionnels que vous semblez avoir. D'autre part, ces problèmes de création et d'invention... Ah oui, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Je ne pense pas que le mystère Picasso soit éclairci pour ça, mais, mais quand même, ça donne une idée de la démarche d'un créateur. Qui, en fin de compte, quand Pablo Picasso commence une toile, il ne sait vraiment pas ce que ça va représenter. Il est fréquent que le faune devienne un rocher et que le rocher devienne une nymphe. Une danseuse. Oui, c'est au départ un film sur Picasso, mais je crois que c'est beaucoup plus un film sur la création et un film aussi sur la peinture, c'est ça, à propos de Picasso, et donc un film sur... Il s'est d'ailleurs plié à cette gymnastique d'une façon absolument extraordinaire. Il avait déjà 75 ans quand il a tourné ça, et je me rappelle certains jours où il se levait et s'asseyait 300 fois. Oui. Mais il était passionné. Oui. Ce n'est pas un film d'art. Dieu merci. Et il y a tout de même en cause, évidemment, les rapports du cinéma et de la peinture. Est-ce que c'est le traitement de la couleur qui vous a donné le plus de soucis ? La première difficulté, ça a été de trouver un support. Il est certain que... il y avait très longtemps, je connais Picasso depuis 1922, quelque chose comme ça, mais il y avait très longtemps que nous souhaitions faire quelque chose ensemble. Et puis on avait toujours remis, vous savez, il avait autre chose à faire et moi aussi. Et un jour, je suis arrivé à la Californie, il venait de recevoir les premiers marqueurs américains. Et il s'amusait sur une feuille de papier. En soulevant la feuille, j'ai vu que l'encre avait passé de l'autre côté du papier, mais incomplètement. Et je lui ai dit, tiens, il y a peut-être un moyen de faire ce que nous voulions, c'est-à-dire de faire un film sur l'évolution d'une œuvre sans voir le peintre, en travaillant par transparence. Et puis, il a été, en fin de compte, très difficile de trouver le papier qui convenait tout à fait. D'ailleurs, on était obligé de le faire faire. Et puis après ça, évidemment, le rendu des couleurs est une chose compliquée, car Picasso tenait beaucoup à l'exactitude de... Je me rappellerai toujours d'un jaune citron pour lequel on a dérangé trois fois Claude Léon, qui dirigeait le laboratoire d'LTC à ce moment-là. Et en fin de compte, nous savions d'avance que c'était totalement inutile, puisqu'il n'y a pas de jaune citron dans la pellicule, on ne peut pas le créer. Et Picasso a fini par le comprendre d'ailleurs, et il a obtenu ce jaune citron en accumulant des rouges tout autour d'un jaune. Oui, ce que vous dites là révèle évidemment des problèmes très importants du cinéma, c'est-à-dire les obstacles techniques, et d'autre part, les progrès très lents de l'esthétique. Est-ce que vous êtes satisfait de l'emploi de la couleur jusqu'ici au cinéma ? On n'est jamais satisfait, mais enfin, je ne suis pas satisfait non plus de l'emploi du noir et blanc. On peut toujours accumuler. Non, je pense que... je vous disais tout à l'heure que j'ai horreur des pléonasmes, que je n'aime pas les mouvements d'appareil quand les gens en parlent. De la même façon, je crois que la couleur, quand on l'emploie et quand on veut lui donner sa place, ne peut pas tolérer le relief. C'est-à-dire qu'il faut éviter le clair-obscur, il faut choisir... tous les peintres l'ont prouvé d'ailleurs. Si Rembrandt est le maître du clair-obscur, en fin de compte, il n'y a pratiquement pas de couleur, c'est toujours un brun modulé. De la même façon, au cinéma, je déteste les films qui sont trop réalistes, c'est-à-dire qui mêlent la couleur et l'ombre. Je crois qu'il faut choisir. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai tourné, par exemple, La Prisonnière, je me suis efforcé d'abord de ne pas jamais tourner une scène au soleil, parce qu'évidemment, là, il n'y a rien à faire. Et puis, dans les décors, d'éclairer toute phase. 1957, Les Espions. 1960. La vérité. Il y a des jours comme ça où on est complet. Tu es belle. Si belle. Je peux plus vivre sans toi. Mais nous, on va se marier. Quoi ? On va se marier. Mais tu vas vite. Pas 20 ans quand même. Pourquoi? On n'aurait plus de temps pour être heureux. Jean-Marie a toujours l'air si malheureux. Mais les autres, pas nous. Tiens, j'ai pensé à toi toute la nuit. J'ai pas dormi une heure. Je te laisserai plus jamais partir. Tu es à moi maintenant, quoi qu'il arrive. Je voudrais essayer de comprendre vos sentiments. Reprenons. Quand vous courez au conservatoire, ce n'est pas pour narguer votre sœur. Narguer ma sœur? J'avais qu'une envie, revoir Gilbert. Vous ne pouviez pas tenir une heure sans lui, mais quand il vous demande en mariage, vous dites non. J'ai pas dit non. Je pensais pas au mariage. Je voulais qu'on soit heureux, c'est tout. Et pour vous, le bonheur n'est pas compatible avec une vie honnête. Je vois pas ce qu'il y a d'honnête à se faire épouser. C'est un point de vue. Clouzot, Avignon, été 70. Votre conversion, je ne veux pas être indiscret, mais enfin c'est un sujet dont on a parlé dans la plus grande presse. Ça correspondait à une crise personnelle, à un moment de votre vie? Je crois pas. Je ne crois pas. C'est venu comme ça. Enfin, vous savez, c'est venu en réaction d'une réaction. Je veux dire que je me suis éloigné complètement du catholicisme quand j'avais 13 ou 14 ans. Et puis, j'y suis revenu, je ne sais pas très bien pourquoi. Probablement à travers Simone Veil. J'ai lu L'attente de Dieu, j'étais très frappé et je me suis remis à lire des textes. Est-ce que ça vous a donné le repos et la stabilité dont vous avez peut-être besoin et que certains vous souhaitaient, comme Jouvet? Jouvet disait, j'ai lu ça tout à l'heure, il disait, Clouzot, c'est un type qui donnera sa grande mesure lorsqu'il aura trouvé sa stabilité. C'est possible, je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour vous maintenant la solution? Il est certain que je suis beaucoup plus détendu. C'est ça. Et mai 68 n'a pas été pour vous une nouvelle remise en cause de l'homme et de l'artiste? Non. Non. Ça m'a secoué comme tout le monde, mais je ne sais pas du tout si... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça m'a poussé à faire quelque chose. Vous avez dû être secoué, alors, sur le plan professionnel, par l'éruption de ces jeunes vers 1958, cette fameuse nouvelle vague? Non, ça, alors vraiment pas. Moi, j'étais toujours assez camarade avec eux, même quand ils me traînaient dans la boue, dans le cahier du cinéma. Mais je ne peux pas dire que j'ai été épouvanté. Au contraire, je pense que... ils ont fait du bien. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que ça vous a titillé? Est-ce que ça non, vous a... Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours été stupéfait de voir la peur de certains de mes confrères, des confrères de mon âge. Vous n'êtes pas hanté par l'idée d'être rejeté dans le passé comme un classique? Non, je m'en fous éperdument. Comme un conservateur. Je fais des films comme ils me plaisent. Je pense pas d'ailleurs que... Je pense que dans La Prisonnière, il y avait des tas de choses nouvelles. Et... il y a toujours eu chez vous, je crois, un certain souci de l'expérimentation. Bien sûr, c'est une façon, pour le coup, de ne pas trop vieillir. Oui. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire un mot de L'Enfer, qui aurait été une sorte de film expérimental à gros budget? Oui, mais c'est-à-dire, j'espère bien le tourner un jour. Le terminer? Oui. Il y a, je crois... Ah, mais il n'y a rien de tourné. Il n'y a rien de tourné, des essais. On a tourné des quantités d'essais et on a commencé à tourner sans le personnage principal, puisque Reggiani est tombé malade le deuxième jour du tournage, donc il n'y a pratiquement rien eu de tourné. Oui. Alors, ceci nous amène à vos rapports avec la peinture. Ça, c'est tout de même très important. C'est peut-être là que vous avez expérimenté le plus. Vous êtes intéressé au tachisme, au cinétisme, et vous essayez de traduire des fantasmes ou des rêves, ça dans L'Enfer par la couleur et en fonction de ces... Oui, c'est-à-dire, en tout cas, il est certain que comme L'Enfer était un film totalement subjectif, il permettait des quantités d'expériences. Mais autant, je vous l'ai dit, dans le domaine sonore que dans le domaine visuel. D'ailleurs, j'ai utilisé dans La Prisonnière, dans la séquence d'hallucination de la fin, un tas de trucs que j'avais trouvé pour L'Enfer. Et si vous regardez attentivement à la main... une copie, vous verrez qu'il y a dans les 4 ou 5 minutes durant cette séquence à peu près la moitié des images sont sans aucune signification. Ce sont des images blanches, des images noires, des images rouges ou bleues, des teintes pures, et personne ne s'en aperçoit d'ailleurs. Il y a eu un film expérimental qui a été utilisé sur des malades mentaux et où on arrivait avec un certain rythme d'images noires et blanches à créer des crises d'épilepsie artificielle. Ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis rendu compte moi-même que j'étais sensible à certains rythmes et c'est ça que j'ai voulu mettre en pratique. L'Enfer était un film, et ou sera peut-être un film, dans lequel le temps est constamment contesté. Le temps et l'espace. Si vous voulez, c'est une expérience parallèle à celle de Proust. 1964, L'Enfer. Le tournage de L'Enfer a débuté l'été 64. Cela fait déjà plus de 20 ans. Quand je dis le tournage, j'exagère. Nous n'avons même pas tourné un seul plan. Nous n'avons fait que des essais. Et on se demandait si Clouseau ne reportait pas l'échéance du vrai premier jour de tournage parce que, toujours poursuivi par ses angoisses, il voulait multiplier les essais. Et tous les matins, nous nous disions, bon, à quand le tournage du premier plan ? Et régulièrement, dans une chambre d'hôtel près de Saint-Flour, au bord du lac artificiel où se trouve le viaduc de Garabit, Clouseau nous réunissait tous dans sa chambre. Voilà, cette nuit j'ai eu le sommeil difficile, j'ai pensé à traduire telle idée ou telle sensation par tel genre d'image. Et alors, on envoyait Tirard filmer sur le marché de Murat, où l'on faisait glisser devant la caméra une énorme glace sur laquelle étaient collées des lentilles additionnelles de différentes dioptries, afin de donner des effets optiques extrêmement angoissants. En fait, il s'agissait de faire apparaître et disparaître le visage de Romy Schneider au milieu d'une foule de paysans faisant leur marché. En principe, tout ceci exprimait des visions subjectives. Des visions subjectives et tourmentées, des fantasmes, oui. Il y a eu également une expérience que je peux signaler parce qu'elle me revient en mémoire tout de suite. Nous avons maquillé Romy Schneider en bleu pâle de la tête aux pieds, avec les lèvres en bleu un peu plus soutenu. Pas n'importe quel bleu, n'est-ce pas? Des produits de maquillage savamment choisis et surveillés par les chefs opérateurs. Et l'idée de Clouseau était de faire à Romy Schneider du ski nautique, n'est-ce pas, sur un lac de sang. Alors évidemment, elle redevenait rose naturellement avec des lèvres purpurines, par inversion de couleur. Et le résultat est assez extraordinaire. Elle se livre aux joies du ski nautique réellement sur un lac de sang. Il faisait... Voilà, l'un des plans expérimenté par Clouseau. Oui. Alors les gens qui ont vu les images, on m'a dit qu'il y avait environ une demi-heure de rush, ont été assez fascinés ou effarés du résultat et regrettent évidemment que le film n'ait pas été entièrement tourné. Et on a l'impression, disent beaucoup, qu'il était très proche à ce moment-là du cinétisme et que donc il essayait de projeter dans le cinéma des expériences toutes contemporaines de la peinture. Oui, il avait d'ailleurs fait venir sur place une demi-douzaine, je pense, de jeunes peintres que nous n'avons malheureusement pas assez connus, mais enfin avec lesquels il a collaboré assez secrètement pendant une huitaine de jours. Mais malheureusement, nous n'avons rien pu faire. Là reste le secret. Michel Pesin. Et puis non, un jour, les essais ont cessé parce que Clouseau avait eu un véritable accident cardiaque. Une question que je me pose toujours, et je crois bien tout le monde, qu'est-ce que profondément et avec tant d'efforts et de talent, il voulait exprimer ? Là, je ne peux pas répondre. Ça reste un grand point d'interrogation pour moi. Il ne voulait pas s'exprimer lui-même parce que je crois qu'il s'est toujours recherché. La fin de sa vie semble être assez significative à cet égard. Je ne pense pas qu'il ait jamais cherché à se projeter. Et il a toujours cherché. Je crois qu'il n'a pas trouvé. Danse disait que le cinéma, c'est la musique de la lumière. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on peut s'inspirer des leçons, des recherches des autres arts sans les adapter directement? Ah oui, on faisait allusion tout à l'heure aux diaboliques. Les diaboliques sont vraiment construits comme une pièce musicale. Il y a un allegro assai qui va pratiquement se terminer par le crescendo du meurtre. Et après ça, il y a la résurrection qui est une espèce de thème varié. C'est-à-dire il y a un thème et des variations qui ne montent pas les unes sur les autres, mais qui sont chaque fois, qui présentent la même, le même phénomène sous plusieurs angles différents et avec des... des anecdotes différentes. La prisonnière. Ça suffit. Je me dégoûte. Vous me dégoûtez. Un voyeur, voilà ce que vous êtes. J'aime un voyeur. Qu'est-ce que vous appelez un voyeur? C'est vous qui me demandez ça. Et tout le monde est voyeur. Seulement les autres se contentent d'acheter le journal. Tous les soirs, ils ont droit à la petite fille violée, à l'exécution du général, au pied de la potence, à l'agonie du cycliste. Mais il y a aussi des photos de gens heureux. Oui, bien sûr, avec un beau titre. Monsieur et Madame Dupont, 2 heures avant la catastrophe. Vous voyez le mal partout. Je le vois où il est, et je m'y plonge jusqu'au cou. Seulement j'ai le courage de m'accepter. Je n'aurai jamais pitié de vous. Jamais. De moi. Trop tard. Stan, c'est trop dur, je pourrai jamais. Je vous en supplie. Ayez pitié de moi. Tu ne me le pardonnerais pas. Est-ce que vous croyez justement que le cinéma est un art autonome? Non plus pur comme on dit autrefois, mais je crois qu'il n'y a pas d'art autonome. Je pense que la peinture a des... elle veut être pure, mais en fin de compte, elle subit elle aussi des influences. Il y a beaucoup de peintres qui sont musiciens et qui traduisent la musique en peinture. Et donc, vous avez l'impression d'une contamination et d'une intégration des arts et des spectacles. Oui, des uns aux autres. Parce que les créateurs sont eux-mêmes contaminés. Et le cinéma est peut-être le lieu carrefour, le lieu de rencontre de toutes les techniques. Ça, je crois pas. C'est un art synthétique parmi d'autres. Alors, que pensez-vous de son évolution pour terminer? Car Dieu sait si le cinéma est bouleversé actuellement à tout point de vue, même remis en cause sur le plan technique, culturel, artistique. Vous me demandez de tirer les cartes? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Personne ne le sait. Avignon, août 1970. Clouseau, en clair-obscur. C'était Henri-Georges Clouzot en clair-obscur, un mardi du cinéma proposé par Philippe Hainaut, diffusé la première fois le 7 mai 1985 sur France Culture. Réalisation Claude Giovanetti. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Pas les mêmes stars ni les mêmes idoles. Toi tu aimes Casavettes, Dali, Andy Warhol. Moi j'aime la bande à Bono, Ravachol et Landru. Tous les tapés, les fondus. Scandale dans un enterrement ou dans un mariage. Je fais tâche dans une famille normale. Je ne suis pas ton beau-frère ni ton gendre idéal. Je suis un malade mental. J'assassine lâchement, sans mobile apparent. Pas de place pour l'amour, pour une liaison, pas le temps. Je suis plus cadavre en décomposition que rendez-vous à 16h à Nation. Désolé, tu ne comprendras pas, baby. Le psychisme complexe d'un tueur en série. Je ne sors pas avec toi, je sors de l'hôpital. Je suis un malade mental. Je ne suis pas ton boyfriend le plus sentimental. Je suis un malade mental. Je suis un malade mental. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Absolument pas mûr pour une liaison amoureuse. Votre client maître a des manières douteuses. Quand il aborde une rouquine ou une brunette, c'est pour lui couper la tête. Ne le confondez pas avec n'importe lequel de vos délinquants ou des traqués sexuels. Le mien est un esthète pas un truand banal. C'est un vrai malade mental. C'est un vrai malade mental. Ces soirs-là, il n'a qu'un bus et les fractions. Il suit les victimes chez eux et attention, il sonne à l'interphone et puis il respire tout près du microphone. Là-haut dans l'appartement, c'est la panique. On s'en presse, on s'affole et puis on entend clic, c'est la porte qui s'ouvre. Et là, il n'y a plus un bruit et puis après, ben, c'est la boucherie. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Il ne mesure jamais les conséquences tragiques. Il agit toujours dans l'ordre chronologique. Il a dans un premier temps ligoté des campeurs, puis tué des autostoppeurs. Et mettons l'hypothèse que mon client soit fou, inculpé de meurtre, il va finir au trou. Plus aucun avenir, il est très très mal. Ce n'est qu'un malade mental. Les mêmes stars, ni les mêmes idoles. Toi tu aimes Casavettes, Dali, Andy Warhol. Moi j'aime la bande à Bono, Ravachol et Landru. Tous les tapés, les fondus. Scandale dans un enterrement ou dans un mariage. Je fais tâche dans une famille normale. Je ne suis pas ton beau-frère ni ton gendre idéal. Je suis un malade mental. Je suis un malade mental. On n'a pas les mêmes stars, ni les mêmes idoles. On n'a pas les mêmes stars, ni les mêmes idoles.